Voilà, c'est l'intempestive. Et dans l'intempestive, aujourd'hui, on poursuit la série d'émissions autour de la folie, de la psychiatrie et de ses alternatives. C'est la première partie d'un entretien avec un infirmier psychiatrique, Philippe Clément. On entendra la seconde partie début avril. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'hôpital psychiatrique et à ses rouages. Alors, on est avec Philippe Clément. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes infirmier psychiatrique. Est-ce que vous avez d'autres fonctions que j'oublie de préciser? Oui, donc c'est ce qu'on appelait avant les infirmiers de secteur psychiatrique, une formation qui a disparu aujourd'hui. Donc j'exerce toujours, une partie de mon activité, c'est effectivement d'être infirmier psychiatrique. Et par ailleurs, je suis responsable de formation dans une école d'éducateurs spécialisés, où je m'occupe notamment, entre autres, de tout ce qui a trait à ce vaste secteur qu'on appelle aujourd'hui la santé mentale. Donc vous êtes l'auteur de deux bouquins sur la psychiatrie hein, qui s'intitule La forteresse psychiatrique, qui est paru en 2001 chez Flammarion, et qui est une analyse sur laquelle on va pas mal revenir aujourd'hui. L'autre qui s'appelle Bienvenue à l'hôpital psychiatrique, qui est paru en 2006, 7. 2007, chez Les Empêcheurs de penser en rond, et qui est plus un recueil de témoignages d'histoires en fait, sur des histoires que vous avez vues. C'est ça complètement. J'avais envie de raconter des histoires, donc je me suis fait plaisir. Enfin, c'est tant est Ça qu'on vaut le puisse pari, vraiment se tout faire à fait. plaisir. Je me suis fait plaisir au niveau de l'écriture, en tout cas. Voilà. Ok, bah peut-être pour commencer, vous pourriez nous expliquer, pour qu'on essaye d'avoir une vision un petit peu plus claire pour des gens qui ne connaissent pas du tout de qu'est-ce que c'est un hôpital psychiatrique, de voir déjà qu'est-ce que c'est un hôpital psychiatrique de l'intérieur, quoi, où est-ce que c'est, comment ça s'organise, et quelles sont les différentes fonctions à l'intérieur, c'est-à-dire notamment qu'est-ce qu'un infirmier psychiatrique? Alors, donc déjà, la psychiatrie se pratique dans ce qu'on appelle les hôpitaux psychiatriques. Alors, ce qu'on appelait les hôpitaux psychiatriques, hein, sont ces grands établissements qu'on connaît. Bon, à Paris, on connaît évidemment Sainte-Anne, et puis quelques-uns qui sont à la périphérie de Paris, Villevrard, Maison-Blanche, Père-et-Vaucluse, enfin tous ces grands établissements. Et puis, de plus en plus aussi, il y a des services de psychiatrie qui sont installés au sein de centres hospitaliers généraux. Voilà. Mais l'organisation de base de la psychiatrie en France, c'est ce qu'on appelle le secteur. Hein, donc c'est un découpage du territoire. Un secteur, c'est grosso modo 70 000 habitants. Une population, ça recouvre une population de 70 000 habitants. Et à l'intérieur, bon, il y a de ce secteur, hein, il y a un certain nombre de structures et d'équipements. Bon, alors il y a les secteurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, les structures, pardon, qu'on appelle extra-hospitalières, c'est-à-dire qui sont à l'extérieur de l'hôpital, comme les centres médico-psychologiques, ce qu'on appelait avant les dispensaires d'hygiène mentale, les hôpitaux de jour, voilà un certain nombre de structures comme ça. Et puis il y a l'unité d'hospitalisation, là où les unités d'hospitalisation à temps plein, où sont donc accueillies les personnes qui, à un moment donné de leur parcours, ont besoin d'être prises en charge de manière plus intense, on va dire. Voilà. Et la différence entre un hôpital psychiatrique en tant que tel et une unité psychiatrique à l'intérieur d'un hôpital général, Alors, non, il n'y a pas, enfin, au niveau de ce qui se pratique, il n'y a pas énormément, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Il y a des différences d'un secteur à un autre en fonction des choix du chef de service notamment, et puis des gens qui travaillent là, qui impulsent telle ou telle dynamique. Mais il n'y a pas une particularité de la psychiatrie à l'hôpital général. Et puis une particularité de la psychiatrie à l'hôpital psychiatrique. Bon, ce qu'on peut quand même remarquer, moi, pour avoir travaillé dans les deux, c'est qu'évidemment, à l'hôpital psychiatrique, le côté strictement médical de la psychiatrie est moins marqué, hein, qu'à l'hôpital général, où là, bon, ben, la psychiatrie est englobée dans un ensemble de services, de médecine, de chirurgie, enfin tous ces services-là. Et donc forcément, ben, ça a un impact sur la manière d'envisager la psychiatrie. Enfin, ce sont des différences. et qui hélas ont tendance à se réduire, cet écart a tendance à se réduire, hein, parce qu'on est aujourd'hui dans une dynamique qui veut quand même que la psychiatrie se médicalise de plus en plus et laisse un peu de côté tout ce qui a fait quand même d'une certaine manière, on va dire, sa noblesse à une époque, hein, avec les apports de la psychanalyse même, bon, si ça mériterait beaucoup un plus long développement, parce que psychanalyse et psychiatrie, c'est pas la même chose, évidemment. Hein. Et puis, évidemment, tout ce mouvement qui est apparu au milieu du XXe siècle, de la psychothérapie institutionnelle, qui est à la fois au niveau de la prise en charge des patients et puis de leur condition d'existence, quoi, a été vraiment un grand moment. Et hélas, on a un peu oublié tout ça, et aujourd'hui... On voudrait faire de la psychiatrie avec des gants et des blouses blanches, quoi. Voilà. Une bible des maladies qui est le DSM, qui dit qu'un tel est schizophrène, qu'il faut lui donner tel médicament et que ça va tout résoudre. Oui, voilà, on est de plus en plus, effectivement, comme vous dites, dans le schéma médical classique, c'est-à-dire symptômes, diagnostic, traitement. Voilà, donc on repère un certain nombre de signes, un certain nombre de symptômes, donc on pose un diagnostic, et à partir de ce diagnostic, eh bien on met en place un traitement, sachant que le traitement en psychiatrie aujourd'hui est à 95, sinon 99% à base de médicaments. Faut pas se raconter d'histoire, hein, c'est pas un... voilà. Hein. D'autant qu'aujourd'hui, avec la réduction du nombre de soignants à l'intérieur des structures, tout ce qui pouvait se faire avant, type de ergothérapie, sociothérapie, toutes ces choses-là, aujourd'hui, sont de moins en moins possibles. Hein. Donc voilà, on en revient vraiment aux médicaments, et c'est pratiquement le seul traitement aujourd'hui, quoi, à l'intérieur des services hospitaliers. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est le rôle d'un infirmier psychiatrique et quels sont les autres intervenants à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique ? Alors, bon, déjà, alors, les intervenants, il y a essentiellement des médecins, évidemment, des médecins psychiatres. Il y a généralement par service, il y a un psychologue, un assistant social ou une assistante sociale, quelquefois un ou une ergothérapeute, et puis des infirmiers, des aides-soignants, et puis des agents de ce qu'on appelle les agents de service hospitalier, qui sont des personnes qui s'occupent de l'entretien, de la propreté des locaux. La différence de rôle entre le psychologue et le psychiatre, vous pouvez la définir ? Alors, entre le psychologue et le psychiatre, la grande différence, c'est que l'un est médecin, l'autre évidemment ne l'est pas. Hein, donc, alors, important, hein, puisque pour prescrire des médicaments, il faut être un médecin, donc le psychiatre est celui qui prescrit les médicaments. Donc évidemment, il a un rôle central, hein, si on se réfère à ce que je viens de dire. Voilà. Le psychologue, lui, est là. Alors, ça dépend des services. Dans certains services qui sont encore quand même un petit peu axés sur tout ce qui est psychothérapie, des choses comme ça, bien les psychologues vont suivre des personnes en psychothérapie. Bon, dans d'autres services, les psychologues sont là pour faire passer des tests ou des personnalités ou des choses comme ça. Enfin bon, voilà, c'est bon. Par contre, psychologue et psychiatre, bon, font des, quelquefois aussi, ce que je dis, des psychothérapies. L'infirmier, lui, qu'est-ce qu'il fait, l'infirmier ? Il fait plusieurs choses. Déjà, comme quand le médecin prescrit les médicaments, eh ben, l'infirmier, lui, les prépare et puis les distribue. C'est une part de son travail. Bon, et puis il est là aussi, l'infirmier, pour surveiller les différents effets des traitements, parce qu'évidemment, en psychiatrie, on ne soigne pas les gens avec de l'homéopathie. Hein, ce sont des médicaments quand même assez lourds, hein, notamment les neuroleptiques, qu'on appelle aujourd'hui, on préfère aujourd'hui appeler ça les antipsychotiques. J'ai rien contre les psychotiques, donc antipsychotiques, ça ne me plaît pas. Mais je préfère neuroleptiques. Hein. Mais bon, plaisanteries mises à part, sont quand même des médicaments très très très lourds, hein, qui ont beaucoup d'effets secondaires, beaucoup d'effets indésirables, comme on dit. Et donc, bon, un des rôles de l'infirmier, c'est quand même de surveiller déjà un petit peu comment les gens réagissent, comment les gens supportent ces médicaments. L'infirmier, c'est la personne aussi qui est au contact, je dirais, le permanent. Enfin, en tout cas, c'est celui qui est le plus souvent au contact direct du patient. Donc, il est quand même un des mieux placés pour suivre l'évolution du patient, voir ce qui s'améliore, voir ce qui va plus mal, et puis pour suivre aussi un petit peu, en dehors des éléments essentiellement, on pourrait dire, médicaux, l'infirmier aussi a un rôle sur les questions plus sociales. Hein, c'est souvent l'infirmier, bon, avec l'aide de l'assistant social évidemment, mais qui va démêler des histoires par rapport à des impayés de loyer, des factures impayées, avec évidemment le risque d'expulsion ou de coupure d'électricité ou de gaz qui va encore enfoncer un peu plus la personne qui est déjà pas hospitalisés quand ils sont en extérieur. Quoi. Non, même quand ils sont hospitalisés, hein, quelquefois les gens arrivent, ils sont hospitalisés, ils vont très mal à un moment donné, et puis quand ils commencent à aller mieux, ils se disent « Ah mais j'ai pas, j'avais telle chose à faire, j'avais telle facture à régler, je l'ai pas réglée, telle... » Alors, bon, donc tout ça, ça fait partie dans beaucoup de services, du rôle de l'infirmier, d'essayer de voir un petit peu, d'éclaircir un peu tout ça, et puis en collaboration avec l'assistance sociale, et puis en collaboration aussi avec les gens, les infirmiers qui travaillent à l'extérieur, dans les CMP notamment, d'essayer de régler un peu ces affaires-là. Donc l'infirmier a un rôle d'infirmier, de soignant, mais il a aussi un rôle du côté social quand même. Et puis c'est aussi l'infirmier qui recueille beaucoup d'informations, beaucoup de confidences parfois de la part des patients. Et puis l'infirmier aussi est là pour faire respecter le cadre, on va dire. Hein. Mmh. Il est garant du cadre institutionnel, si on peut dire les choses de manière un peu solennelle comme ça. Mmh. Et c'est lui qui veille à ce que les gens n'aient pas de débordement d'un côté ou de l'autre, qu'il n'y ait pas des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le rôle un peu... c'est un peu le côté flic, quoi. Aussi, mais il existe aussi, sur lequel on aura l'occasion de revenir, je pense. Ouais. Sur lequel vous avez écrit presque un bouquin, pas seulement sur le rôle de flic et l'infirmier, mais sur le cadre institutionnel, ouais, la manière dont il se protège des patients et la loi qui règne, la loi particulière qui règne à l'intérieur. Camtarter for two farts and Juan Carlos the first. Si je pouvais penser librement, je... Si je pouvais penser librement, je vous. Si je pouvais penser librement, je vous. Si je pouvais penser librement, je vous. J'ai soif. Si je pouvais penser librement, je vous dirais. Si je pouvais penser librement, je vous dirais. Si je pouvais penser librement, je vous dirais que... Si je pouvais penser librement, je vous dirais. Si je pouvais penser librement, je vous. Si je pouvais penser librement, je... Si je pouvais penser librement... Si je pouvais penser libre... Si je pouvais penser libre... Si je pouvais penser... Penser. Si je pouvais pas. Si je pouvais pas. Si je pouvais. Si je pouvais. Si je. Et puis merde. Si je. Si je. Si je. Si je. Si je pouvais. Si je pouvais. Si je pouvais. Si je pouvais. Si je pouvais pas. Si je pouvais pas. Si je pensais. Si je. Si je. Si je pouvais penser. Si je. Si je. Si je. Si je pouvais penser. Si je. Si je. Si je pouvais penser. Si je. Si je pouvais penser. Si je. Si je. Si je pouvais penser. Si je. Si je. Si je pensais librement. Si je. Si je pouvais penser librement. Après cet extrait d'une cantate d'Henri Chopin, on revient tout de suite toujours dans l'intempestive sur Fréquence Paris Pluriel avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique, avec qui on parle de l'organisation de l'hôpital psychiatrique. J'ai soif. Là, on a vu ce qu'il y avait du côté soignant. Du côté des patients, il y a différents statuts de patients. Il y a des gens qui arrivent là, dans un hôpital psychiatrique, en hospitalisation libre, et d'autres qui arrivent en hospitalisation sous contrainte. Et vous avez fait dans votre bouquin tout un développement sur la loi qui définit ces différents modes d'hospitalisation, qui est une loi de 1990. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ces différents modes d'hospitalisation, puis les conséquences que ça a dans la prise en charge des patients, etc. Alors effectivement, il y a dans cette loi de 1990, du 27 juin précisément, prévoit trois types d'hospitalisation en psychiatrie. Donc l'hospitalisation libre, c'est-à-dire qui s'applique aux personnes qui sont consentantes pour, à un moment donné, aller à l'hôpital, être hospitalisées en psychiatrie. Donc là, le médecin propose à la personne d'être hospitalisée un temps, la personne accepte, donc elle arrive à l'hôpital, donc en hospitalisation libre. Hein, et cette loi de 1990 dit que quelqu'un qui arrive en hospitalisation libre à l'hôpital psychiatrique, eh bien, jouit des mêmes droits qu'une personne qui est hospitalisée pour une autre cause que psychiatrique. Ça, c'est ce que dit la loi. Après, dans les faits, les choses peuvent être un peu différentes, on y reviendra sûrement. Le deuxième type d'hospitalisation, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, on dit HDT, hospitalisation sur demande d'un tiers. Les critères pour l'hospitalisation sur demande d'un tiers, la loi dit que la personne, du fait de ses troubles psychiatriques, n'est pas en mesure de donner son consentement pour l'hospitalisation, et ces troubles nécessitent, des soins en milieu hospitalier. Donc la personne n'est pas d'accord, mais on considère qu'elle a besoin de soins. Et donc, il y a un certain nombre de choses à faire sur le plan administratif. D'abord, demande d'un tiers, ça suppose qu'il y a un tiers dans l'histoire. Le tiers étant souvent un proche, un conjoint, des enfants majeurs, des parents, enfin bon. Un employeur. Enfin, la loi, là aussi, est assez précise. Elle dit que toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient. Donc, vous voyez, c'est très vaste. Hein. Mais dans les faits, on essaie de privilégier les proches, et sinon on arrive toujours à trouver un tiers, de toute façon, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Et après, il y a une ambiguïté aussi, enfin, je pense que la détermination de l'intérêt du patient, le fait qu'il n'y ait pas de conflit, par exemple, entre le patient et la personne qui demande son hospitalisation, enfin, il y a des dérives qui sont possibles quand même sur les demandes d'hospitalisation. Sur la demande d'un tiers, on peut imaginer qu'une famille va y mettre à l'écart un membre de la famille. Vous racontez d'ailleurs une histoire comme ça dans le... Oui, alors il peut y avoir effectivement des petits dérapages comme ça. Bon, il y a quand même un certain nombre de garanties, alors qui généralement fonctionnent assez bien, parce que, bon, en dehors de cette demande du tiers, il faut d'autres documents. Et notamment, il faut deux certificats médicaux qui vont être établis par deux médecins différents, évidemment, dont au moins un des deux n'a aucun lien, n'a aucun rapport avec l'hôpital dans lequel va être hospitalisé le malade. Alors deux certificats médicaux qui doivent être, qui décrivent le psychiatre, enfin, le médecin qui fait ce certificat ne donne pas de diagnostic, décrit un certain nombre de troubles, et il en conclut que la personne nécessite une hospitalisation sous le régime de l'HDT. Donc deux certificats qui doivent être concordants, c'est-à-dire qui doivent arriver aux mêmes conclusions. Et puis ensuite, donc, avec la demande de tiers et les deux certificats médicaux, la personne est amenée à l'hôpital. Et dans les 24 heures qui suivent son arrivée à l'hôpital, il y a un troisième certificat qui doit être établi par un troisième médecin, ce qu'on appelle bêtement le certificat des 24 heures, hein, et qui, ce certificat qui dit, qui confirme ou non la nécessité d'une hospitalisation sur demande d'un tiers. Voilà. Et puis après, dans le déroulement de l'hospitalisation, il y a un certificat au bout de 15 jours, un certificat de quinzaine, hein, et ensuite un certificat au moins tous les mois. Voilà. Ça c'est l'HDT classique, mais la loi prévoit aussi l'HDT. L'HDT, avec la notion de péril imminent, on pourrait dire que c'est un petit peu l'HDT d'urgence, quand vraiment les choses sont assez, assez pressantes. Et à ce moment-là, il y a possibilité d'hospitaliser la personne avec un seul certificat médical. Tiens, toujours la demande du tiers, évidemment, et un seul certificat médical. Il suffit simplement que le médecin note qu'il y a un péril imminent, c'est-à-dire un péril dans les... Voilà. Alors il y a eu des dérives, hein, parce que cette loi de 1990 dit, l'article commence par à titre exceptionnel, et puis elle dit, et en cas de péril imminent pour la personne, un seul certificat, enfin bref. Sauf qu'on s'est rendu compte que souvent le péril imminent était une solution de facilité, hein, et que c'était évidemment plus rapide et plus facile avec un seul certificat qu'avec deux certificats. Tant qu'une hospitalisation sur demande d'un tiers qui va se faire, par exemple, à partir d'une structure extra-hospitalière, ça suppose, évidemment, le médecin de la structure va pouvoir faire un certificat, mais le deuxième certificat doit être fait par un autre médecin qui n'a aucun lien, aucun rapport avec l'établissement, avec l'hôpital, où va être reçu le patient, et donc des fois, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc, le à titre exceptionnel, on peut le barrer de l'article, parce que vraiment, c'est plus à titre exceptionnel, c'est vraiment devenu presque une solution de facilité. Quoi. Voilà. Hein, donc ça, c'est la mesure d'HDT, donc ça, quand la personne n'est pas en mesure de donner son consentement. Et puis la troisième mesure d'hospitalisation en psychiatrie, hein, c'est l'hospitalisation d'office. Et là entre en jeu la notion de dangerosité, de trouble à l'ordre public. Hein, c'est-à-dire que le critère pour une hospitalisation d'office, c'est que la personne, du fait de ses troubles, peut être dangereuse pour autrui ou perturber, enfin présenter un risque pour l'ordre public. Alors, là c'est le médecin qui va faire une demande au préfet, au préfet du département, hein, et c'est le préfet qui va établir un arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office. Voilà. Hein, et là, bon, la personne est hospitalisée, et puis ensuite, il y aura tous les mois au minimum, il va y avoir un certificat médical qui va être établi, et quand dans le service est estimé que la personne ne relève plus d'une hospitalisation d'office, à ce moment-là, le médecin fait une demande au préfet pour qu'il mette fin à la mesure d'hospitalisation d'office. Mais c'est toujours le préfet qui décide et de l'hospitalisation et de la fin de l'hospitalisation. C'est une mesure administrative. On parlait même de mesure de police dans le bouquin, c'est-à-dire... Oui, c'est une mesure de police, hein, parce que le préfet, c'est le premier policier du département, c'est le pouvoir administratif, c'est lui qui gère ces affaires-là. D'ailleurs, cette loi pose quand même un certain nombre de questions par rapport au respect des libertés individuelles. Alors déjà, première chose, la notion de dangerosité, trouble à l'ordre public, dans des affaires, ça qui normalement, c'est qui ne relève pas de la psychiatrie, ou c'est d'abord quelque chose qui relève d'abord, c'est l'affaire de la police, les questions de dangerosité, les questions de troubles à l'ordre public. Hein, donc là, quand on met un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on part sur une espèce d'a priori, hein, alors que, dans un premier temps, voilà, alors, dans un premier temps, la personne s'est montrée dangereuse pour les autres, elle a troublé l'ordre public. Alors, dans un deuxième temps, on peut la considérer comme si elle s'est montrée dangereuse, si elle a troublé l'ordre public, c'est à cause de ses troubles mentaux, et là, on en vient à la psychiatrie. Hein, mais d'entrer comme ça, sans qu'à un moment ou l'autre, il y ait une intervention de l'institution judiciaire, finalement, d'un juge, c'est un petit peu exceptionnel dans le droit, et ce n'est pas très en accord avec les grands principes du droit. Parce qu'il y a privation de liberté quand même derrière. Voilà, c'est exactement ce que je voulais rajouter pour continuer. C'est que, en dehors du bien fondé ou non de l'hospitalisation, que ce soit l'hospitalisation sur demande d'un tiers ou sur l'hospitalisation d'office, une hospitalisation sous contrainte, de toute façon une privation de liberté. Or, encore une fois, les grands principes de notre droit veulent qu'une personne soit privée de sa liberté. Sur décision de justice et après débat contradictoire. Or là, il n'y a pas de débat contradictoire. Et c'est pas la justice, c'est pas le pouvoir judiciaire qui prononce la privation de liberté, c'est le pouvoir administratif. C'est ce qui fait dire à certains juristes qu'on est là dans le cadre d'un droit d'exception finalement. Donc c'est quand même quelque chose qui donne à réfléchir sur la manière dont sont considérés les perçus les gens qui présentent à un moment ou l'autre des difficultés sur le plan psychique. Là, ça ouvre derrière la question sur laquelle on pourra peut-être revenir plus tard, de la responsabilité pénale ou juridique au sens plus large des malades mentaux ou de ceux qui sont identifiés comme tels. Mais là, juste pour terminer sur cette question d'hospitalisation d'office, il y a également là-dedans une ambiguïté entre la maladie et la délinquance, d'un côté, et d'autre part, une ambiguïté aussi qui peut aboutir à une criminalisation de troubles à l'ordre public, mais qui sont des troubles à l'ordre public parce qu'il y a une action derrière qui peut être une action politique. Et par exemple, il y avait eu le cas assez récemment, 2006-2007, il me semble, de Roland Veuillet, qui était un enseignant qui était en lutte, qui faisait tout un tas de démarches contre son licenciement, et qui, in fine, parce qu'il emmerdait un petit peu trop les pouvoirs en place, parce qu'il poursuivait sa lutte, a été hospitalisé d'office. Voilà, il peut y avoir effectivement toujours des dérives. On peut effectivement considérer quelqu'un qui va, alors d'une manière ou d'une autre, par ses agissements, pour telle ou telle raison, va considérer qu'il trouble l'ordre public. On va pouvoir toujours effectivement le dire, mais mon pauvre monsieur, ma pauvre dame, enfin, voyez bien que ça va pas, quoi. Voyez bien que ça va pas. Ce que vous faites là, ce que vous dites, tous ces courriers que vous envoyez, tous ces coups de fil que vous passez, enfin, quelque chose qui ne va pas. Et puis vous savez, quelqu'un, des gens qui sont comme ça dans des situations difficiles à un moment donné, professionnellement ou autre, donc ce sont des gens quand même qui sont fragilisés, et quand on vous répète un certain nombre de choses, vous finissez quelquefois par un petit peu chanceler, par douter, et puis on voit ça aussi, effectivement. Effectivement, c'est la psychiatrie peut être une arme redoutable. On l'a vu ailleurs, dans d'autres pays, notamment dans l'ex-URSS, évidemment. Mais je crois qu'il faut être très, très prudent et pas prendre ces choses-là à la légère, parce que je crois que elle porte en elle, la psychiatrie, où que ce soit, dans quel pays que ce soit, porte en elle les germes, effectivement, de quelque chose qui tourne très vite au totalitarisme. Effectivement, je crois que il faut être très très vigilant par rapport à ça, ce qui fait que, bon, on y reviendra peut-être aussi, mais c'est pour ça que les dernières mesures là qui ont été annoncées au mois de, je sais plus quand, là, enfin la fin de l'année ou début de l'année, par le président de la République, c'est inquiétant quand même. On voit bien que là, il y a une tentative de faire passer sur le versant de la délinquance, voire de la criminalité, les malades mentaux, de considérer a priori que les malades mentaux sont des gens dangereux, ou en tout cas potentiellement dangereux. Et puis, effectivement, si on commence à faire une surveillance comme ça, on commence à surveiller une catégorie de la population, puis on peut rapidement élargir, et ça peut effectivement devenir une arme c'est redoutable, et d'autant plus redoutable que bon, c'est très perverse, quoi. C'est très perverse. Ça renforce le rôle, en fait, de l'hôpital psychiatrique, de mise à l'écart d'une catégorie de la population considérée comme... soit comme malade, quand on prend des termes un petit peu humanistes, mais sinon comme déviante, voire comme délinquante. Complètement, complètement, on est là-dedans. On est là-dedans. Et alors, il y a aussi autre chose enfin, qui se passe actuellement, depuis un certain nombre d'années, et qui est aussi très préoccupant quand même, hein, c'est cette tendance. Alors moi, je suis assez bien placé pour observer ça, parce que je suis à la fois du côté de la psychiatrie, à la fois du côté un peu des travailleurs sociaux, du fait de mon boulot dans une école d'éducateurs spécialisés. Hein, c'est cette façon aujourd'hui de dire de certaines personnes qui sont en grande difficulté sociale, en grande difficulté d'insertion, et quelquefois même en situation de grande précarité. Eh ben, de les faire passer du côté de la maladie mentale, du côté de la souffrance psychique, hein. C'est plus, il est en grande précarité, il n'a plus de logement, il est chômeur de longue durée, il est au RMI depuis tant de temps. C'est pas parce que économiquement il n'y a plus rien qui fonctionne ou ça fonctionne très mal, c'est pas parce qu'il y a un chômage terrible, non. S'il n'arrive pas à trouver du boulot, s'il est dans cette situation-là, c'est parce que certainement dans sa tête ça se passe pas très bien. Hein, sur ces questions-là, Jean Maisondieu, qui est un psychiatre qui a beaucoup travaillé avec les personnes en situation d'exclusion, notamment, mais c'était en 97, non, mais son bouquin est aujourd'hui encore plus d'actualité qu'à l'époque, un bouquin qui s'appelait La Fabrique des Exclus, hein, où il montre bien comment toutes ces personnes en grande difficulté au niveau social, on essaie de les faire basculer du côté de la psychiatrie. Et donc la psychiatrie, sous cette dénomination de santé mentale, est en train d'envahir un petit peu tous les champs. Et ça aussi, bah, évidemment, c'est inquiétant, parce que on est en train de mettre mettre entre les mains de la psychiatrie des problèmes qui sont des problèmes sociaux, des problèmes politiques. C'est évidemment plus facile de dire de quelqu'un qui est au RMI, ben, s'il est au RMI, c'est parce qu'il ne tourne pas rond dans sa tête, plutôt que de dire c'est parce que nous, les politiques, on est incapables de faire quoi que ce soit pour arranger la situation. Mmh. Mais encore une fois, la psychiatrie peut être utilisée de manière quand même très, très perverse, quoi. Et récemment, sur le site Résistance au travail obligatoire, site RTO, ils ont posté un communiqué justement en disant que depuis la mise en place du fameux pôle emploi, là, qui réunit la NPE et les ACEDIC, ils avaient découvert un pôle emploi qui avait passé une convention de service avec une structure qui faisait passer des tests psychologiques à tout le monde, et où ils mêlaient allègrement les demandeurs d'emploi et des personnes qui sortaient d'hôpital psychiatrique, où il n'y avait plus du tout aucune distinction qui était faite entre quelqu'un qui était dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique et puis quelqu'un qui était à la recherche d'un emploi ou en demande de réinsertion sociale. Mmh, voilà. Ouais, non, mais on est en train de faire un amalgame terrible, là, et de dire, voilà, on a tout ce qui relève du social, du politique, et qui pourrait se régler à partir de luttes collectives, eh bien, on est en train de le faire passer du côté de la psychiatrie. C'est-à-dire que c'est si l'individu est dans la panade, ben c'est sa faute à lui, c'est pour la faute des dysfonctionnements de la société et de tout ce qui est. Voilà. C'est en ça que, effectivement, la psychiatrie, c'est quelque chose de très politique aussi. Mmh. Tout le temps, mais je ne suis pas le premier à le dire, évidemment, mais je le répète quand même parce que c'est vrai, à mon avis. C'était un extrait du ballet mécanique de Georges Anteil qu'on trouve sur l'album Dada et la musique. On revient dans l'intempestif sur Fréquence Paris Pluriel à l'entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique, avec qui on explore les arcanes de l'hôpital psychiatrique. Alors le malade qui arrive, que ce soit en hospitalisation libre ou bien en hospitalisation sous contrainte, quand il arrive à l'hôpital psychiatrique, vous le décrivez assez longuement, généralement il est accueilli par une mise en chambre d'isolement. Alors, nuance quand même un petit peu, c'est différent, la manière de faire, les manières de faire sont différentes selon les services. Il est vrai que de plus en plus, moi je constate qu'un patient qui arrive, alors les patients en hospitalisation libre sont rarement mis quand même en chambre d'isolement directement comme ça, sauf si vraiment ils sont agités, parce que on peut arriver en hospitalisation libre, être très agité, voire agressif, et arriver en hospitalisation d'office, être tout à fait tranquille. Le type d'hospitalisation ne présume en rien du comportement de la personne. Bon. Mais il est vrai que, ça se pratique de plus en plus, les personnes qui arrivent en hospitalisation sans consentement, notamment hospitalisation d'office, sont systématiquement, enfin de manière... automatique comme ça, mis en chambre d'isolement pendant, alors ça peut être très variable, ça peut être 24 heures, 48 heures en fonction de, mais c'est une mesure comme ça qui n'a aucune, non seulement qui n'a aucune raison d'être sur un point de vue clinique, mais qui en plus, si on se réfère à la loi, toujours cette fameuse loi de 1990, eh bien c'est une mesure qui est totalement contraire à la loi, hein, puisque la loi dit que pour les personnes hospitalisées sans leur consentement, on peut prendre des mesures privatives de liberté si leur état le nécessite. Une personne qui arrive, dans les 5 minutes qu'elle arrive, on ne sait pas si elle relève d'un isolement ou pas. Mmh. Donc effectivement. Hein, mais ça, ce sont des questions de. Je crois qu'on est dans une période, évidemment, où. Du tout sécuritaire, hein, et la psychiatrie à l'intérieur de ces services n'est pas est touchée aussi, je trouve, de plus en plus par cette tentation sécuritaire, hein, c'est-à-dire il faut absolument sécurité maximum. Alors ce qui est justifié par le, enfin justifié, je dis pas, je suis d'accord avec ça, enfin ce qui est justifié notamment par évidemment le fameux manque de personnel. C'est évident que quand vous avez 30 patients dans une unité d'hospitalisation, qu'il y a trois infirmiers, enfin ou deux infirmiers, un aide-soignant, d'autant que c'est une profession qui se féminise de plus en plus. S'il arrive un type un peu un gros costaud, un peu excité, il va. Le pauvre type, il va aller en chambre d'isolement parce que, on va dire, prudence, hein, c'est le fameux principe de précaution, hein, dont on nous rebat les oreilles à tous les niveaux, dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation ou autre chose. Et la chambre d'isolement, ça s'appelle dans certains hôpitaux une chambre de soins intensifs. Voilà, au 19e, ça s'appelait un cachot plutôt, non? Alors ça commençait par, au tout départ, c'était le cachot. Et puis que Esquirol, donc, est un des premiers, enfin, l'élève de Pinel, le père fondateur de la psychiatrie, on peut dire, trouvait que cachot, quand même, c'était pas très sympa comme titre, comme appellation. Il appelait ça la cellule. Donc on appelait ça la cellule. Puis après, on a trouvé que la cellule, quand même, c'était un peu violent aussi comme thème, un peu carcéral. On appelait ça la chambre d'isolement. Pendant assez longtemps, ça s'est appelé la chambre d'isolement. Et puis, alors, je ne sais pas quel est le grand inspiré qui a trouvé, on appelle ça aujourd'hui, finalement, la chambre de soins intensifs. Alors, évidemment, quand on entend chambre de soins intensifs, faut pas se méprendre. Hein. Soins intensifs, on s'imagine les services de réanimation avec plein de machines très compliquées qui ressuscitent les gens, tout ça. Non, c'est pas ça, hein, la chambre de soins intensifs. C'est un lit... Un lit qui est scellé sur le sol, quelquefois même encore un matelas posé sur le parterre, et puis plus rien. Et puis rien du tout. Quelquefois, alors, maintenant, quelquefois, il y a un petit cabinet de toilette attenant avec un WC, un lavabo, mais on n'est pas encore là partout. Et quelquefois, c'est simplement le bon vieux seau hygiénique. Voilà, c'est ça la chambre de soins intensifs à psychiatrie. Hein. Il ne faut surtout pas imaginer que c'est de la médecine de pointe. Et, où on va remettre les gens d'aplomb de manière très, très scientifique. Avec donc une porte fermée à clé, et disposant d'un hublot qui permet aux infirmiers de surveiller la personne en permanence. Voilà, donc une chambre qui est quand même sécurisée, et donc effectivement, où la personne est enfermée. Elle est enfermée, soit. Ça dépend, hein. ça peut être toute la journée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça arrive. Ça peut être enfermée à certains moments de la journée et puis elle va pouvoir sortir une heure ou deux heures par jour. Enfin, tout ça se gère évidemment au cas par cas. Alors, cette question des chambres d'isolement en psychiatrie, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, qui peut effrayer les gens qui ne connaissent pas, à juste titre d'ailleurs. Alors moi je ne serais pas de ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de chambre d'isolement en psychiatrie. Je pense que c'est nécessaire. Alors je vais m'expliquer là-dessus parce que ça je crois qu'il y a des moments, la réalité est ce qu'elle est, il y a des moments où il y a des personnes qui pour un certain nombre de raisons peuvent avoir des réactions effectivement assez violentes et qui peuvent se mettre en danger et mettre en danger les personnes qui sont autour. Et ça évidemment on peut pas laisser faire. Et donc ces personnes, pour des questions de sécurité, ont besoin à un moment donné d'être isolées pendant quelques heures, quelquefois pendant un jour ou deux. Mais je répète, j'insiste là-dessus, pour des raisons de sécurité. Ce qui me gêne énormément aujourd'hui, ce sont tous ces discours qui ont le vent en poupe, selon lesquels l'isolement serait thérapeutique. C'est-à-dire que l'isolement, ce n'est plus une mesure de sécurité, c'est un soin. Alors moi, j'aimerais bien qu'un jour on m'explique un peu en profondeur et sérieusement en quoi enfermer une personne dans une chambre pendant des journées entières. En quoi ça va la soigner? Je comprends pas, je vois pas. Hein. On va envoyer le dépressif suicidaire dont on a peur qu'il aille se pendre avec un drap ou une serviette de toilette dans une douche. On va l'envoyer ruminer ses idées noires dans la chambre d'isolement. On va y mettre le maniaque qui va cogner dans la porte toute la journée. On va y mettre. Enfin bon, tout ça est très. Je trouve assez malsain cette tendance actuelle qui vise à justifier l'isolement d'un point de vue thérapeutique. Moi, je suis de ceux qui disent on en a besoin par moment. Alors évidemment, moins on l'utilise, mieux c'est, hein, parce que ça fait jamais plaisir, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on va amener quelqu'un dans une chambre d'isolement. Hein, mais c'est pour des questions de sécurité. C'est pas honteux, à un moment donné, de préserver une personne par rapport aux agissements qu'elle pourrait avoir vis-à-vis d'elle-même, ou préserver les personnes qui sont autour d'une personne qui, à un moment donné, est tellement angoissée ou tellement délirante qu'elle fait des choses qui pourraient avoir des conséquences graves. Voilà, c'est là-dessus que ce qui me gêne beaucoup, encore une fois. C'est vouloir se justifier d'un point de vue thérapeutique sur quelque chose qui est nécessaire mais qui relève simplement de la sécurité. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et préméditée. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide. C'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades. Car c'est par les médecins, et non par les malades, que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort. Et tenir en couveuse les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ces morts à l'électrochoc Voilà ainsi une autre thérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardo. Il y a dans l'électrochoc un état flac par lequel passe tout traumatisé, et qui lui donne non plus à cet instant de connaître, mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardo et le bardo de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres, et la vie a baissé d'un cran. Oh, je le répète, le bardo, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne, mais dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ? C'était Aliénation et magie noire, un texte lu et écrit par Antonin Artaud en 1947. On revient toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans la Tempestive à l'entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. Vous parlez également de l'ambiguïté qui naît de, entre est-ce qu'on est dans le soin ou est-ce qu'on est dans la sanction, dans l'usage de mesures comme celle-là. Et vous parlez également de l'usage qui est encore en vigueur dans certains hôpitaux des sangles de contention. Oui, alors, oui, parce que, effectivement, les sangles de contention sont aussi beaucoup utilisées. Alors, les sangles de contention, c'est fait, voilà, on attache les personnes, hein, à chaque poignet, au poignet, aux chevilles, et puis une sangle ventrale qui maintient la personne sur son lit. Donc, non seulement elle est dans une chambre d'isolement, mais en plus elle est attachée. Donc, elle ne peut même pas tourner en cage comme le ferait un fauve. Hein, elle est bloquée sur son lit. Là. On est effectivement quand même, enfin, moi, ça me semble évident qu'on est dans quelque chose qui relève de la sanction. Alors, qu'est-ce qu'on sanctionne ? On sanctionne des comportements. Hein, évidemment, je nie pas le fait que certaines personnes sont délirantes, hein, bon, et peuvent avoir des comportements, des agissements qui sont difficiles à gérer. Hein. Mais ce sont des comportements qui sont dus à des troubles psychiatriques graves. Hein, et si on enferme la personne et si en plus on la tâche sur son lit, on est bien là dans quelque chose qui est de l'ordre de la sanction, parce que je ne vois pas en quoi ça va rendre moins délirante une personne qui va être attachée sur un lit ou qui va être enfermée. Donc tout ça est très ambigu, et c'est ce qui me fait dire que finalement la maladie mentale est toujours dans une espèce de limite floue entre la souffrance et la faute. Hein, et finalement, je dirais presque logiquement, eh bien les pratiques sont toujours un peu à la limite du soin et de la sanction. Hein. Alors bon, on n'est quand même pas complètement des sauvages. et une personne qui est en chambre d'isolement et qui est en qui est sous contention physique, eh ben bien souvent, elle a droit en plus à un traitement très conséquent au niveau produit sédatif, hein, neuroleptique sédatif. Enfin bon, hein, donc en plus d'être enfermée et attachée, elle est en plus assommée de médicaments. Alors c'est bon. Ce qui évidemment, on peut dire d'un côté, l'aide à supporter sa condition d'isoler et d'attacher. Bon, en même temps, voilà, hein, on y rajoute en plus. Donc tout ça effectivement donne des choses. Enfin, c'est extrêmement ambigu. Hein, c'est une ambiguïté, moi, avec laquelle j'essaie de m'arranger plus ou moins depuis maintenant. Une vingtaine d'années, alors j'y arrive plus ou moins. Hein, j'ai plus ou moins une bonne conscience. Bon, et puis je fais à mon petit niveau, humblement, ce que j'essaie de faire en sorte que bon, bah, les choses se passent le mieux possible. J'essaie toujours de me faire l'avocat de la défense quand il commence à être question de chambre d'isolement ou de contention physique. Quoi. Mais bon, voilà, hein, c'est pas le petit infirmier de base qui prend les décisions à la sortie. Donc. Mais vous évoquez également ce que Pinel, je crois, appelait le traitement moral. Et donc le fait qu'il y a une sorte de rééducation qui est engagée, qu'il faut que le malade reconnaisse sa maladie et que... Alors voilà, ça c'est quelque chose qui est très... Moi qui... C'est pour ça, enfin, hein, y a, donc Pinel disait que... Pinel qui a organisé l'asile, ce qu'on appelait l'asile d'aliénés au départ, hein, c'était pour lui, c'était un endroit à la charnière à la 18e et 19e siècle. Pinel partait du principe que pour soigner les aliénés, la première chose à faire, c'était de les isoler, les enlever de leur environnement habituel et de les isoler dans des endroits prévus à cet effet, organisés à cet effet. Donc, c'est comme ça qu'est né l'asile d'aliénés, à l'intérieur duquel il y avait un certain nombre de pratiques qui appelaient le traitement moral et qui consistait à en arriver à ce que le patient, Pinel disait, reconnaisse sa faute. Bon, alors aujourd'hui on ne dit plus les choses comme ça, mais une personne qui va arriver à l'hôpital, qui est dans un état de délire, qui délire, alors on va faire ce qu'il faut pour qu'elle ne délire plus. Mais quand même, la cerise sur le gâteau, c'est quand la personne qui arrête de délirer critique, comme on dit, son délire. C'est-à-dire, elle fait une critique son délire en disant, elle dit un certain nombre de choses, montrant qu'elle se rend compte qu'effectivement, ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait dans ce moment, dans cette période-là, c'était effectivement pas adapté. Quelque chose, hein, c'est ça qu'il faut. Donc, critiquer son délire, reconnaître sa faute. Bon, question de terme, hein, mais bon, ça revient un peu au même. Hein. Et puisqu'on parlait un petit peu de Pinel, hein, je vais dire deux mots, pas sur Pinel en lui-même, mais parce que je ne l'ai pas connu. Mais hein, c'est donc Pinel, je disais, pour lui, il fallait isoler le malade de son environnement pour pouvoir le soigner. C'était ce postulat de base. Et c'est sur cette logique de l'enfermement que s'est bâtie la psychiatrie. Hein. Et cette logique de l'enfermement, c'est devenu une véritable, je dirais, moi je parle quelquefois en psychiatrie, de culture de l'enfermement. Et on n'arrive pas à en sortir. Hein, ça fait maintenant 200 ans. Et la psychiatrie est toujours empêtrée dans cette logique de l'enfermement. On n'arrive pas à en sortir parce que il y a l'enfermement dans les murs, évidemment, alors l'enfermement dans les murs de l'hôpital, l'enfermement dans les chambres d'isolement, hein, mais il y a aussi un enfermement qui se voit évidemment moins, c'est l'enfermement, on pourrait dire, dans le diagnostic, l'enfermement dans hein, parce que souvent, en psychiatrie, encore, la personne est réduite à sa pathologie, on pourrait dire. Hein, quand on a dit cette personne est schizophrène, voilà, c'est un schizophrène, on a tout dit. Voilà. Donc, tout ce que la personne va faire, tout ce qu'elle va dire, les comportements qu'elle va avoir, les attitudes, tout va être réinterprété à travers le filtre du diagnostic. Hein. Et donc la personne peut faire ce qu'elle veut finalement. Si elle l'a fait, c'est parce qu'elle est schizophrène. Quoi. Justement, vous parlez sur la manière dont les personnes réagissent à la mise en chambre d'isolement. Une personne qui résiste beaucoup sera diagnostiquée comme rétive, méfiante, etc. Une personne qui n'y résiste pas du tout, à contrario, sera considérée peut-être comme, un petit peu comme aboulique. Voilà, ah bah oui, non, mais de toute façon, vous savez, en psychiatrie, quoi que vous fassiez, vous êtes foutu. De toute façon, c'est foutu d'avance. Parce que tout peut devenir un symptôme. Alors, si la personne qui va se montrer agressive va beaucoup résister par rapport à son hospitalisation, par rapport aux mesures qui sont prises à son encontre, bon, bah, c'est parce qu'elle est malade, elle est complètement délirante, la pauvre personne, donc c'est pour ça qu'elle ne veut pas adhérer aux soins. Celui qui se sent trop bien à l'hôpital psychiatrique, on dit, enfin, quand même, pour se sentir bien dans un endroit pareil, il ne faut quand même pas être très net. Enfin, vous voyez, donc vous avez tous les degrés comme ça, et de toute façon, c'est foutu. De toute façon, c'est foutu, et moi, j'en vais même des fois à dire comme ça, sur le ton de la plaisanterie, c'est qu'une demi-plaisanterie, et en psychiatrie, l'absence de symptômes est déjà en soi un symptôme. Hein, s'il ne montre pas de symptômes, c'est que quand même, il y a quelque chose. Quoi. Donc, il les cache bien. Oui. Voilà, il les cache bien, ou alors, c'est, enfin, bon, c'est, voilà, c'est, de toute façon, c'est foutu d'avance. Quoi. Voilà, c'était donc la première partie d'un entretien avec Philippe Clément, infirmier psychiatrique et auteur de deux bouquins, La forteresse psychiatrique, paru chez Flammarion en 2001, et Bienvenue à l'hôpital psychiatrique, paru chez Les empêcheurs de penser en rond en 2007. Cette émission sera rediffusée mercredi 25 mars à 10h sur FPP, et puis elle restera disponible sur www.intempestive.net. Et pour entendre la seconde partie de cet entretien, où on continue la discussion sur les questions d'enfermement, non seulement à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, mais à l'extérieur, dans ce qu'on appelle le secteur, eh bien il faudra patienter jusqu'au jeudi 2 avril à 17h. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.